Radio Sophia Altitude, c'est désormais deux fréquences, deux fois plus d'auditeurs, une couverture deux fois plus large. Écoutez Radio Sophia Altitude sur la 88.5 et 101 FM. RSA, Radio Sophia Altitude, 88.5, faites-nous confiance et on fait le reste. Radio Sophia, premier sur les hits gold. Radio Sophia. Premier sur les hits gold. Radio Sophia. Sophia Altitude, au meilleur de la musique. Moi, t'es pas plaire pour you. Décidez-moi. Moi, t'es pas plaire. Pas qu'à jamais. panique pour moi. En couleur comme ciel pour nous. Dis-moi t'es fait, t'es que pas ça bagou. Pour qui raison toujours tu mon qui garde l'idée. Cherche plus loin, cherche réponse à yo. C'est désormais deux fréquences, deux fois plus d'auditeurs, une couverture deux fois plus large. Écoutez Radio Sofaya Altitude sur la 88.5 et 101 FM. RSA, Radio Sofaya Altitude 88.5. Faites-nous confiance et on fait le reste. Radio Sofaya, premier sur les hits Gold.